Bismillahirrahmanirrahim. Avant de rentrer dans le nouveau chapitre, une précision par rapport aux deux hadiths, les deux derniers hadiths que nous avons pris, le 109e et le 110e, qu'il n'y a pas de contradiction. Car le premier hadith disait qu'il fallait les sahaba retarder la salat, le tabrid, afin que le temps se refroidisse. Et dans l'autre hadith, il disait de Anas qu'il fallait se prosterner sur un vêtement à cause de la chaleur du sol. On dit qu'il n'y a pas de contradiction, que tout simplement, le fait qu'il y ait une chaleur intense en un lieu ne dit pas que le sol s'est refroidi. Donc il se peut qu'il retardait la salat du Dhuhr, malgré cela, le sol restait chaud. Donc ils mettaient leurs vêtements dessus. Ou également, il est dit qu'il est possible que le hadith du Tabrid, du fait que retarder la salat pour que le temps se refroidisse, fut révélé avant, ou plutôt après, le hadith stipulant de se prosterner sur un vêtement. Et l'un ne contredit pas l'autre. Si la personne se trouve dans une quelconque situation où le sol est trop chaud, même s'il est dans la salade en son temps, alors il met un vêtement pas au sol. C'est un jugement qui est toujours effectif, qui est marquem. D'accord ? Tout comme si demain il venait à faire la salade dans un moment où la chaleur est très intense, il peut attendre un petit peu que la chaleur s'affaiblisse. L'un ne contredit pas l'autre. Non, là c'est un tambih. نترك اليوم في باب جديد وهو أنه شابيت باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها أو plutôt تعجيلها qui est le sujet du rattrapage de la salat qui était oublié et de le faire au plus vite. قال في الحديث الحادي عشر بعد المئة 111 حديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نمى عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها سلو أنس بن مالك رضي الله عنه لمسجد الله صلى الله عليه وسلم الذي celui qui a oublié une salat alors qu'il accomplisse dès qu'il s'en rappelle et qu'il n'a pas d'expiation hormis le fait qu'il la fasse. Puis récitait la parole d'Allah dans le sens où il dit « et accomplit la salat pour mon évocation, pour mon rappel. » Et Muslim rapporta dans le même hadith une autre version qui est « celui qui a oublié une salat ou qui s'est endormi, qui a dormi dans son temps, c'est-à-dire involontairement, il a dormi au point d'avoir raté la salat ou son temps. » Alors son expression, c'est qu'il l'accomplisse dès qu'il se rappelle ou dès qu'il se réveille. هذا يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الراوي أنس ابن مالك le rapporteur c'est أنس ابن مالك dont la biographie a déjà existé auparavant يقول موضوع الحديث le sujet du hadith بيان متى تقضى الصلاة والفائتة بنوم أو نسيان à quel moment doit-on rattraper la salat qui nous a échappé que l'on a raté à cause du sommeil ou de l'oubli c'est-à-dire une raison valable une excuse. D'accord, une excuse. Car celui qui dort, il n'est pas mukallaf lorsqu'il dort. Il n'y a aucune charge sur lui. Et celui qui est oublié, d'accord, également, est une personne qui n'est pas, dont l'oubli, yani ne lui coûte pas de péché. Mais dès qu'il se rappelle d'une chose qu'il devait faire, comme par exemple celui qui fait siyam, il jeûne, et il oublie qu'il jeûnait, il se met à boire ou à manger. Est-ce qu'on dit que son siyam il est annulé pour l'oubli? Non. On dit dès qu'il se rappelle qu'il a jeûné, qu'il arrête sur le champ et qu'il continue son jeûne. Ça, c'est parmi la rahma de notre religion. Car l'être humain, il est créé comme ça, Allah le sait. On oublie. Ensuite, yaqulu fi sharh al-ijmali, le sens global du hadith. يحدث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من نسي صلاة أو نمى عنها حتى خرج وقتها أن يبادر بقضائها من حين زوال عذره بدون تأخير. Donc Anas ibn Malik informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné à celui qui a oublié de faire la salat ou qui s'est endormi à tel point que le temps en est sorti qu'il se précipite à la rattraper dès qu'il s'en rappelle, car à ce moment-là son excuse sera finie. وأنه ليس له كفارة سوى ذلك فلا تجزي عنها صدقة ولا غيرها ولا تجب صدقة ولا غيرها مع فعل الصلاة. واستشهد صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري أي حين تذكرني بعد الغفلة والنسيان. Et il dit également qu'il n'y a point d'expiation à cette salat, c'est-à-dire celui qui oublie une salat ou qui s'est endormi, il n'a pas à faire de sadaqa, donner une aumône ou à jeûner ou autre pour rattraper ce qu'il a manqué. Non, son expiation c'est de faire cette salat-là qui lui a échappé. C'est tout. Et après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de sa parole par le verset où Allah parle à Moussa en disant, dans le sens, il a accompli la salat pour mon rappel. C'est-à-dire, au moment où tu te rappelles de moi, après avoir été inattentif et après avoir oublié. Fais la salat. Naam. Min fawaid al-hadith, les enseignements de ce hadith, wujub al-mubadarati biqada al-salati ala man nasiyaha ou nama anha hatta kharaja waqtuha. Qu'il est obligatoire de se hâter à rattraper la salat pour celui qui l'aurait oublié, qui serait endormi à tel point que le temps en serait sorti. Et on l'avait pris auparavant dans le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Khandaq, et avait oublié de faire la salat du Asr, à tel point qu'il l'a fait après le Maghreb à cause de la bataille. Il l'a accompli à quel moment ? Dès qu'il s'en est rappelé. Thaniyan anna wula yujdi'uhu an fi'liha sawm wa la sadaqata wa la ghayruhuma. Il n'est pas légiféré justement de, pour expier la faute, de faire un jeûne ou de faire une aumône pour attraper la faute. Car en réalité, ce n'est pas une faute car ce n'est pas de ta faute. C'est une excuse. Le sommeil et l'oubli sont excusés et pardonnés. Tu n'as jusqu'à faire cette salat que tu as ratée. Thalithan annahu la yulzimuhu ma'a qada'iha shay'un akhar min sadaqatin aw ghayruha. Et كذلك si jamais il fait cette salat qui la rattrape, il n'est pas obligatoire de faire quoi que ce soit à côté pour compenser. Tu n'as rien d'autre à faire que cette salat qui est obligatoire. C'est tout. Maintenant, si tu fais une sadaqa de toi-même, cela te concerne, ou un psaume. Mais croire que cela est obligatoire ou que cela va rattraper la faute, cela non. La seule faute, quand je dis faute, c'est, je veux dire, l'oubli. Non. La seule chose qui va compenser, c'est d'accomplir cet acte qui a été manqué. C'est tout. Non. Azaladi khazna al-yum, ou bien d'al-kod naktafi, ou alhamdulillah rabbil alamin.